La situation de Donald Trump est un peu particulière, c'est que la pandémie lui a volé sa performance économique. Pour lui, tout ça, c'est parti en fumée quasiment du jour au lendemain. Vu d'Europe, l'attitude du président Donald Trump a quand même quelque chose d'assez déstabilisant, comme le rappelait Christophe Vogt, notre précédent invité. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs. So it'd be interesting to check that. But it sounds interesting to me. Alors j'ai eu envie de rester aux États-Unis pour évaluer un petit peu le niveau d'indignation sur place avec les Français expatriés. Et on part du côté de Washington pour retrouver Julie. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Alors on va parler avec toi de la situation en ce moment aux États-Unis. D'abord, comment ça va pour toi ? Eh bien, écoute, ici ça va plutôt pas mal. Enfin, on est confiné. On a été officiellement confiné 2 semaines après la France. Alors la petite particularité aux États-Unis, c'est que ce n'est pas au niveau de l'État que ça se décide. C'est pas pour l'ensemble des États-Unis, c'est chaque État. Donc les États-Unis, ce sont 50 États, et donc c'est chaque État décide de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut un confinement? Est-ce qu'il veut des mesures, par exemple fermeture des bars, des restaurants? Moi, je suis dans le Maryland, qui est à côté de Washington D.C., puisque Washington D.C. c'est vraiment un tout petit État. Ouais. Donc moi, je suis en banlieue de Washington, donc dans le Maryland. Maryland, c'est là où il y a Baltimore, Annapolis. Toute la banlieue. Ici, on a été, on a eu des mesures de, les bars et les restaurants ont fermé au même moment que le confinement a été décidé en France. Et donc, deux semaines plus tard, ils ont décidé du confinement ici aussi. Je trouve que c'est quand même un confinement un peu plus souple que ce que j'entends de mes amis et de ma famille qui sont en France. Ouais. Déjà, on n'a pas d'attestation à remplir, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez sortir comme ça ? Alors, on peut sortir. En fait, c'est plutôt un confinement qui invite à limiter tout déplacement non obligatoire. Ouais. Mais les gens travaillent de chez eux. Enfin, voilà, je pense qu'il y a plus grand monde qui va au travail. Mais par exemple, c'est très surprenant parce qu'ici, il y a beaucoup. Donc, on est dans une banlieue un peu chic. Hein, donc, il y a beaucoup de gens qui ont des jardiniers. On est vraiment dans une banlieue, c'est la banlieue américaine comme dans les séries. Ouais. Donc, on a des jardiniers. Hein. Alors, les jardiniers continuent à travailler parce que ça fait partie des activités qui sont considérées comme essentielles. Ouais. Donc, les jardiniers continuent à travailler. De même, le bâtiment, la construction de maisons, parce que c'est pareil ici, quand on achète une maison, il y a beaucoup de maisons qui sont détruites. Pour rebâtir une maison neuve, hein. L'immobilier, c'est un secteur qui est très très fort aux États-Unis, enfin qui était très fort, parce qu'évidemment, voilà, ils rasent les maisons et plutôt que de les rénover, ils les rasent et ils en construisent une nouvelle qui est beaucoup plus grande, spacieuse, etc. Et donc ça continue aussi. Ça, c'est pareil, ça fait partie des activités qui sont considérées ici comme essentielles. Donc voilà, il y a tous les chantiers de construction de maisons, il y en a partout, partout, partout. C'est assez frappant d'ailleurs quand on arrive. Donc ça continue. Depuis la semaine dernière ou le début de semaine, on est obligé de porter un masque quand on sort. Ça c'est obligatoire. Mais c'est surtout ça y est, c'est obligatoire depuis une semaine, je crois. Je pense que c'est plutôt quand les gens qui vont faire des courses, etc., qui portent des masques. Mmh. Tous les livreurs, parce qu'il y a beaucoup, comme en France, hein, beaucoup de gens qui se font livrer leurs courses, etc. Donc les livreurs ont des masques. Mais c'est vrai que tous les gens qui promènent leurs enfants, les chiens, etc., dans la rue, il y a assez peu de gens qui ont des masques juste pour faire la petite balade du quartier. Quoi. Ouais. Toi-même, tu es journaliste. Comment ça se passe pour toi ? Tu télétravailles ? Alors moi, je télétravaille. Moi, je travaille donc pour un média français. Donc, nous, on a eu les mêmes. On a un gros bureau ici, donc on a eu les mêmes. Les consignes étaient celles sont venues en même temps que pour la France. D'accord. Donc, on est passé en télétravail lorsque le confinement a été imposé en France. Ouais. Alors donc, même que la situation n'était pas encore au même niveau que celle voilà, qu'on connaissait en France. Ici, effectivement, les gens continuaient à... Mais je trouve qu'à ce moment-là, effectivement, on a quand même vu, je sais que mon voisin, qui lui est américain, il télétravaille depuis le même moment, depuis la mi-mars aussi. Vraiment, mi-mars, il a commencé à y avoir des mesures de confinement un peu plus strictes. Ouais. Les gens ont vraiment été appelés à rester chez eux. C'est aussi le moment où les bars et les restaurants ont fermé. Mmh. Donc voilà, ça s'est mis en place à peu près à ce moment-là, mais le confinement strict est venu 2 semaines plus tard. D'accord. Mais voilà, donc moi je télétravaille depuis la mi-mars aussi. Mes enfants qui sont tout petits et qui sont dans une espèce de crèche école maternelle complètement américaine. Alors leur école est fermée depuis la fin du mois de mars seulement, mais ils n'y vont plus depuis la mi-mars. En fait, on s'est mis un peu à l'heure française. Ouais. Voilà, au même moment. Dans les prochains temps, évidemment, pas de voyage en France de prévu pour vous, puisque le retour risquerait d'être compliqué quand même. Oui, alors justement, on se pose beaucoup la question parce que on devait rentrer au mois de juin. Pour un mariage qui évidemment a été annulé, mais on devait rentrer en juin, donc bon, a priori il est à peu près certain qu'on ne pourra pas rentrer, mais on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on pourra rentrer, parce qu'on se dit que quand bien même le vol serait maintenu, est-ce que arrivé en France, est-ce qu'on serait obligé de rester en quarantaine pendant 15 jours, ouais. Et puis est-ce que surtout, la question c'est surtout de savoir est-ce qu'on pourrait rentrer ensuite aux États-Unis, qui n'est pas certain du tout. Et puis même après, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on pourra de nouveau voyager, parce que les compagnies aériennes, je crois qu'elles ne savent pas vraiment non plus quand est-ce qu'elles vont pouvoir reprendre les vols internationaux. Mmh. En tout cas, même quand ça reprendra, ce sera un rythme bien inférieur à ce qu'il était avant. Enfin, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vraiment l'inconnu total. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on pourra rentrer. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Grande incertitude, évidemment, pour les vols. On consacrera d'ailleurs prochainement un balado à la situation des transports aériens avec le spécialiste de l'aéronautique Michel Polaco, qui lui table sur 18 mois à 2 ans avant un retour à la normale dans le secteur. La reprise risque de durer de longs mois. On table sur 18 mois à 2 ans pour avoir une reprise de la croissance et pour revenir à des chiffres à peu près supportables pour l'économie des compagnies dans leur nouvelle configuration, c'est-à-dire après s'être redimensionné. Et donc, ça veut dire qu'on va beaucoup souffrir dans les 2 ans qui viennent avant de recommencer à avoir des lueurs d'espoir. On aura l'occasion d'évoquer le sujet avec lui lors d'un prochain épisode. Watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps.